Yeah. Pour ces pussy boys, j'ai pas trop le time. Pour ces putains de bitches, j'ai pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. Pas trop le time, pas trop le time. Pas trop le time, pas trop le time, pas trop le time. Rentre dans la pièce derrière un nuage. Roule un avion, je suis sur un nuage. Plus c'est l'engrenage, plus l'engluage. Je repense au système et ses rouages. Je suis trop dégoûté par ce monde. Je kifferais prendre un centime par seconde. Du brouillard, du berceau à la tombe. Donc je fais mon truc avant le compte. Il me faut du bif même si je peux pas m'offrir la paix. J'ai des soucis à l'appel. Y'a trop d'absents à l'appel. 50 grammes dans le sac. Je suis dans le vrai, je suis en vrac. C'est pour la monnaie que je craque. Si j'ouvre mon cœur, on le braque. Yeah. Pour ces petits boys, j'ai pas trop le time. Pour ces putains de bitches, j'ai pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time, pas trop le time, pas trop le time, yeah, pas trop le time, yeah, pas trop le time, yeah, pas trop le time, pas trop le time, pas trop le time, yeah, pas trop le time, yeah, pas trop le time, yeah, pas trop le time, pas trop le time, j'ai pas trop le time. Je pense à mille choses en même temps, j'ai pas trop le time. Je suis dans le putain de fuego, putain de merde. J'allume un putain de bédo quand c'est la merde. Je fais que mon putain de blé gros, je les emmerde. Après le décollage, j'fais un blocage. Cafard dans mon bosseur en otage. Je suis défoncé, je suis pas très loquace. Mais je la fais gaulerie donc je suis cocasse. Je suis avec ma chérie sur le périph. Je cours pas après les égéries. Je cours après l'argent comme Tom et Jerry. Car soit t'as du bif, soit tu péris. Je sais d'où je viens, ce que je vaux. Ce que je vois, ce que je vis. Et je vis ce que je veux. Alors je fume de la beuh. Pour les vipères, j'ai pas trop le time. Car le temps fait pousser le blé. Et j'ai pas tout mon temps pour en faire. J'ai pas tout mon temps pour en perdre. Yeah. Pour ces petits boys, j'ai pas trop le time. Pour ces putains de bitches, j'ai pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. L'argent avant le temps, c'est de l'argent, j'ai pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. Yeah. Pas trop le time. Yeah. Pas trop le time. Yeah. Pas trop le time. Pas trop le time. Pas trop le time. Yeah. Pas trop le time. Yeah. Pas trop le time. Yeah. Pas trop le time.